Stephen King aime les grandes roues, Stephen King aime l'autostop, Stephen King a écrit un tour sur le bolide et Mick Garris l'a adapté. Bon vieux Mick. Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, comment allez-vous? Ils vont pas te répondre. Ça, ouais, non, effectivement, comment vas-tu? J'ai oublié de changer de pronom, c'est bon. Ça va et toi? Oh, les pronoms ça va, on a un, c'est... À mon époque on disait nous à tout, vous à tout le monde et puis c'était très bien. On n'avait pas tous ces trucs, il y a les compagnies. On peut plus rien dire. Oh. Voilà, cancel culture, calme-toi, on peut plus rien dire. Calme-toi le Z. Maintenant, le Z, c'est plus pour George Lube, c'est pour l'autre con, là. Ouais, bah, y a une époque, c'était pour Zorro aussi, mais ça remonte un peu. C'est encore plus vieux. Donc, nous sommes ici pour parler d'une nouvelle qui a été éditée principalement dans le recueil « Tout est fatal » et de son adaptation par Mick Garris. On commence à en avoir fait beaucoup, des Mick Garris. Surtout, on en a fait beaucoup dernièrement, hein, parce qu'on avait déjà enchaîné... La nuit déchirée et désolation. Ouais. Et là, on enchaîne sur un tour sur le bolide. Mais il nous en reste encore après ou... Shining. Ah bah je oui, crois c'est que vrai. C'est la seule pour le coup. C'est vrai. Reste. Si je me trompe pas, c'est la seule qui nous reste après. Oh non. Je propose qu'on y aille tout de suite. On va spoiler le livre, enfin la nouvelle et le film. Et c'est parti. Allons-y. Montons dans le bolide. La nouvelle nous raconte l'histoire d'un étudiant, Alan, qui reçoit un coup de fil d'une voisine de sa mère parce que sa mère vient de faire une crise cardiaque pas très grave, mais donc elle est à l'hôpital et Alan décide de rentrer chez lui, sauf que sa voiture est en panne, donc il doit faire à peu près 200 km en autostop. Et au final, il se fait prendre en stop par un type un peu bizarre et il se rend compte que c'est un mort, qui lui soumet un choix. Il doit décider qui va mourir entre lui-même et sa mère. Il voit des morts partout. Je vois des gens qui sont morts. La nouvelle, à l'origine, a été écrite et publiée indépendamment sous forme d'e-book, alors que la technologie en était encore à ses débuts. A priori, dans les premières 24 heures, donc c'est en 2000 hein, qu'elle est publiée pour la première fois, dans les premières 24 heures, elle est téléchargée 400 000 fois, ce qui fait planter les serveurs de la société qui l'édite, Softlock, parce qu'à l'époque, ils ne s'attendaient pas à un tel succès, et c'en était vraiment à ses débuts, l'e-book, oui. En 2000. C'est donc un des premiers textes de fiction que King écrit après son accident. Il avait terminé son essai écriture, mémoire d'un métier, mais en fiction, il se remettait tout juste à faire des choses. Elle est publiée le 14 mars 2000, et elle sera reprise ensuite dans Tout est fatal. Il en existe aussi une édition collector en format papier qui contient la nouvelle et le scénario de Mick Garris. Si vous avez à peu près 500$ à gaspiller, vous pouvez faire ça. Oh, tu les aurais, tu le ferais. Il y aurait quand même d'autres priorités. Hein. Bon, si t'es capable de claquer 500$, c'est qu'à mon avis, t'as pas vraiment... Oui, c'est pas faux. Si vraiment je peux claquer 500$ dans n'importe quoi, oui, il y aurait ça, mais bon, voilà. Les critiques à l'époque sont pas forcément très bonnes, mais je suis notamment tombé sur une critique du New York Times qui est négative, mais qui a l'air de pas mal être ennuyée par le fait que ce soit un format e-book, qui reconnaît elle-même que ça a peut-être pesé sur son appréciation de la nouvelle, donc est-ce que c'est très fiable? Salut les boomers. Voilà, c'est ça. Dans l'introduction de Tout est fatal, King dit qu'il a été surpris que cette nouvelle marche aussi bien, qu'a priori elle lui a rapporté beaucoup d'argent, mais qu'il est pas mal frustré parce qu'il y a eu pas mal de publicité autour, il a été invité à parler et tout, mais à chaque fois sur la méthode d'édition et très peu sur l'histoire en elle-même, alors que lui, il est plutôt content de cette histoire. L'aventure du numérique, il la retentera la même année sur un format plus grand avec The Plant, publié par épisode sur son site internet. C'était publié sans cryptage, en fait. N'importe qui pouvait le télécharger assez facilement, sans forcément payer le prix qu'il demandait. Il demandait $1 par épisode, ce qui n'est déjà pas beaucoup. Oui, $1 symbolique. Mais il comptait sur l'honnêteté des gens. Mais finalement, The Plant, il ne l'a pas terminé, alors qu'il a écrit pas mal. Hein. Moi, j'étais persuadé que c'était un texte relativement court, mais il y en a 250 pages de The Plant. Ah oui, quand même. Ouais. Ça se trouve totalement légalement, pour celui-là, il l'a mis en accès libre. Maintenant, Peut-être le télécharger facilement. Peut-être qu'il le reprendra un jour. Bah, c'est ce que je me dis. Est-ce que ça va être un peu un cas comme 22-11-63 et Dome et qu'il va nous le reprendre après avoir laissé passer du temps? Moi, je trouverais ça intéressant. Oui, clairement, oui. Mais donc, sur la nouvelle, c'est tout ce que j'ai à dire. On va pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Alors, comme d'habitude avec les nouvelles, c'est compliqué de dire... de vraiment développer à fond. Mais... très très bonne nouvelle, très émouvante quand même sur son message, sur son approche, sur les personnages qui sont dépeints. Ça propose aussi une ambiance quand même alors plus fantastique et limite même un petit peu du fantastique, un peu gothique que horrifique. Mais il y a vraiment une ambiance, je l'ai lu en fait pour tout dire, hier il était pas loin de minuit. Donc vraiment le calme de la vie, la nuit autour, et c'est le genre de texte où quand tu le lis à une heure tardive, tu peux ressentir quelques moments un petit peu de frisson, quoi, sans être totalement apeuré. Et c'est vraiment très très bien, c'est une très très bonne nouvelle. C'est une nouvelle, donc je vais te laisser rapidement ton avis, parce qu'on va développer rapidement à deux dessus. Ça sert à rien non plus d'y rester 15 plombes. Eh bien, je suis moins enthousiaste que toi. C'est une nouvelle que je trouve sympathique, clairement, mais pas extraordinaire. Je sais pas, enfin, parce qu'effectivement, elle a des thèmes qui pourraient me toucher, plein de choses qui pourraient me plaire et m'intéresser. L'ambiance pourrait m'atteindre, mais ça marche pas. D'accord. Pour moi. Donc, je passe un agréable moment, mais sans jamais m'impliquer et limite en m'ennuyant un peu. Dans le début et dans la fin, passer à partir du moment où il est à l'hôpital. Alors c'est peut-être le genre de récit, je pense, hein, que tu apprécies plus si tu as un vécu en rapport avec ce que vit le personnage. Peut-être, effectivement. Typiquement, la situation de deuil, c'est quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, parce que je l'ai vécu il y a 2 ans avec une personne très très proche. Et autant dire que pour un deuil, 2 ans dans une vie, c'est quand même très proche. Oui. Et... je comprends parfaitement en fait tout ce que le personnage vit et ses questionnements, tout ce qu'il ressent dans la nouvelle, c'est-à-dire cette sensation. Il y a tout ce message qui n'est pas dit directement. Je trouve que King est quand même assez subtil dans son message qu'il met tout au long de sa nouvelle. On sent que la mort est pas loin. Du coup, on n'a pas envie, tu vois, de se rapprocher de ses proches qui vont nous quitter parce que on n'a pas envie de prendre ce décès potentiel en pleine gueule directement. Mais en même temps, on a envie parce qu'on sait que potentiellement, c'est la dernière fois où on va pouvoir les voir. Oui. Et je trouve que le message est subtilement fait. Et moi, du coup, vu que je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et il y a tout ce message ensuite sur la fin qui clairement est juste un message pour rappeler qu'il faut... ne pas hésiter à passer du temps avec ses proches, parce qu'ils ne seront pas éternels, oui, en profiter, ils ne seront pas, oui, toujours là. Je trouve le message très, très doux, finalement, très pur. C'est le genre de message qui, si c'est mal fait, peut me faire soupirer. Parce que je me dis, oui, bon, tes messages rondoudous comme ça, c'est bon, on a compris. Mais je trouve que King s'en sort très très bien dans cette nouvelle. Oui, non, mais le message, en plus, oui, je suis d'accord, hein, il est plutôt beau. Je pense que c'est vraiment dans l'exécution qu'il y a un truc qui a pas marché pour moi. Peut-être tout ce qui est autour de l'anecdote du bolide aussi, qui... oui, ça, par contre, on n'en a pas parlé. Moi, on est d'accord que tout ça, tout ce qui concerne la jeunesse du personnage directement, c'est pas ce qui m'a transcendé le plus. Moi, c'est vraiment la partie deuil que j'ai trouvé très intéressante. Et puis je trouve dommage, là pour le coup, je trouve vraiment dommage de recourir un peu à l'artifice du « c'était un rêve, mais pas vraiment ». Assumer plus complètement qu'il ait vraiment voyagé avec George Staub aurait peut-être été plus intéressant que ce qu'on a finalement... enfin, je trouve, en tout cas. Oui, parce que là, à aucun moment, on est vraiment fixé, quoi. Bah, il a quand même le pins badge qui indique beaucoup. Mais je suis pas fan de l'artifice qui est un peu attendu, pour le coup. Oui, d'accord. Mais voilà, après, c'est pas une nouvelle que je déteste, loin de là. Hein. J'ai pas passé un mauvais moment en la lisant, j'ai juste pas été transporté. Ce qui est embêtant quand tu fais du stop. Clairement. Mais ouais, je pense que ça fait vraiment partie de ces œuvres que, ouais, tu, selon ton vécu, tu peux apprécier plus ou moins. Oui, c'est possible. Après, en tant que tel, l'écriture est bonne. Je trouve les personnages plutôt bien travaillés. Il y a vraiment cette ambiance un peu... Alors, je trouve que l'ambiance mystérieuse fonctionne mieux quand c'est pas George Taube qui est dans la voiture, quand c'est le vieillard. Le premier, en fait. Je trouve que ça marche mieux quand c'est lui. Où on sait pas si on doit se... Enfin, si c'est légitime ou pas de s'en méfier. Oui, voilà, c'est ça. Je trouve que ça fonctionne mieux quand c'est le premier mec qui le prend en stop plutôt que George Taube. Ouais. Bah, George Taube, c'est beaucoup plus directement établi que c'est effectivement un mort. Oui, c'est très rapide. Ouais. C'est très très rapide. Et oui, comme tu dis, le passage à l'hôpital est peut-être un peu long. Ce qui est dommage quand même d'avoir des longueurs dans une nouvelle qui fait à peine 40 pages. Quand même. Oh, elle est un peu... Ah oui, peut-être dans l'édition grand format, elle est pas plus longue. Peut-être. Oui, non, elle fait une quarantaine, elle est peut-être une cinquantaine de pages au moins maximum. Mais du coup, c'est dommage d'avoir quelques longueurs dans un passage comme ça, même si c'est des longueurs où, qui sont faites pour faire ressentir vraiment toute la détresse du personnage, tout le passage où il attend de savoir s'il va pouvoir voir sa mère, et où ça joue sur le mystère, est-ce que sa mère est morte ou pas, parce que l'entité à un moment en fait lui laisse le choix, est-ce que, en fait, il lui dit que c'est pas un fantôme, c'est plus que ça, c'est une espèce de passeur en fait qui serait envoyé par on ne sait quelle entité, on ne sait pas si c'est Dieu ou le diable qui l'envoie, même ça c'est plutôt mystérieux, et en fait il lui laisse le choix, est-ce que c'est ta mère que je prends ou est-ce que c'est toi, ou est-ce que c'est les deux si finalement tu fais pas le choix. Du coup, lui, il lui dit, prenez ma mère, parce que après tout, il y a sa petite voix intérieure qui lui dit, ta mère, elle a quand même 48 ans, toi, t'en as 21, t'as encore toute la vie devant toi. Ce qui est pas faux, et je pense que c'est quand même globalement ce que la majorité des gens sur cette putain de terre auraient fait. Oui. Je pense que moi, tu me mets devant ce choix, j'aurais fait la même que lui. Hein. Bah, je pense, en fait, le personnage principal est vraiment pas mal écrit hein, dans ses choix, dans ses hésitations, à ce niveau-là, il est réussi. Hein. Et donc, vu qu'il a dit, prends ma mère, forcément. Il a cette interrogation quand il arrive à l'hôpital, est-ce que quand je vais arriver on va m'annoncer qu'elle est morte? Finalement on lui dit que non, donc il monte dans la chambre, il a devant la chambre cette interrogation, est-ce que quand je vais rentrer dans la chambre elle va être morte alors qu'on m'a dit avant qu'elle était bien? Il y a tout ce questionnement qui je trouve est, comment dire, qui je trouve amène quelque chose, c'est juste que c'est trop long. Ouais. Pour le coup. Ouais, là moi j'ai trouvé aussi que c'était... C'est trop long, ça joue sur des mécaniques... pas folle en fait, parce que quand il arrive devant la chambre, l'infirmière lui dit « Dépêchez-vous, elle va partir ». Comment ça, elle va partir? Donc l'autre pense, il est paniqué, il pense qu'elle est en train de mourir. Et quand tu réfléchis deux secondes, tu dis « C'est pas un truc qu'aurait dit une infirmière en fait ». Oh, peut-être sur le coup de la fatigue, j'en sais rien. Bon, alors elle dit « Elle est en train de s'endormir, pas elle est en train de partir ». Oui, parce que du coup il l'avertit, elle est en train de partir en mode « Elle va s'endormir à cause de ses médicaments ». Quand quelqu'un s'endort, tu dis pas qu'il est en train de partir. Enfin, je sais pas. Ça marche peut-être en VO. Peut-être. Mais je suis d'accord avec toi que toute la partie hôpital, vraiment, est un peu longuette. Mais après, voilà, oui, on peut pas nier qu'elle a un message intéressant et un personnage principal bien développé. Voilà. Comme tu dis, c'est peut-être une question de sensibilité sur celle-là. Je pense, ouais. Toi, sur la nouvelle, t'as des choses à ajouter ? Non, fondamentalement, sur la nouvelle, on n'a pas grand-chose à dire, hein, parce que ça ne repose que sur ça, en fait. D'accord, bon, on va passer au film, hein, dans ce cas-là. Eh ben, allons-y. Merci, c'est sympa. Non, pas de problème, mon grand. Où tu vas? Je vais voir ma mère à l'hôpital. Quoi, elle est malade? Sortie de l'imaginaire de Stephen King. C'est pas ce que j'aurais fait si je ne t'avais pas eu. Pour un homme qui n'échappera jamais à son passé, rien n'est plus dangereux que son avenir. Tu te sens bien? Ouais. T'es sûr? Sur la route du retour. Non, c'est pas réel. Un choix doit être fait. Il est temps pour l'un de vous deux de crever. Le choix t'appartient. Une âme doit être sauvée. Tu ne veux pas me voir avant que je meure, chérie. Ses peurs les plus profondes... Lequel doit partir? ...doivent être affrontées. Tu dois choisir, maintenant. Maintenant, Alan, maintenant. Riding the bullet. Laissez-moi sortir. Monsieur. Tic-tac, tourne, petite aiguille. Les morts voyagent vite. Mick Garris achète les droits de la nouvelle dès que celle-ci sort et écrit assez rapidement le premier scénario, après avoir demandé à King, en fait, qui a transformé la nouvelle en Dollar Baby pour permettre à Garris de sécuriser les droits sans avoir à payer une vraie somme. Et donc Garris était assez content d'avoir plus de flexibilité que d'habitude, c'est d'ailleurs une des seules fois où il écrit lui-même son scénario, et surtout où il écrit un scénario de son propre gré. D'habitude, il travaillait que sur commande, Mick Garris. C'est pour ça que dans des interviews récentes, il dit que c'est son film le plus personnel. Lui-même, apparemment, a perdu un frère assez jeune, et il avait perdu son père peu avant de découvrir la nouvelle, donc ce qui a joué aussi sur son ressenti. Donc il avait envie de parler de son expérience du deuil à un public potentiellement assez jeune, le public des films d'horreur. Il choisit de placer l'action en 1969 parce qu'il trouve que c'est une époque d'innocence et qu'il y a aussi une forme de deuil pour toute la société avec la fin des années 60 qu'il essaie de traiter dans son film. Il reviendra si on veut. Oui. Donc c'est un film auquel il semble beaucoup plus tenir qu'aux autres adaptations de King qu'il a faites, même s'il aime bien tous les travaux qu'il a fait avec King. Sur celle-là, il est clairement plus impliqué personnellement. Mais il a mis un moment à trouver des producteurs, vu que c'était pas une commande, donc il n'y avait personne de rattaché à ça. Et c'est quand il tourne le pilote de la série Lost in Oz qu'il montre son scénario au producteur Joel Smith, qui va l'aider à trouver les financements. Au début, c'est dans les milieux un peu indépendants qu'il se déplace, avant qu'un plus gros producteur, Brad Crevoy, n'aide à fournir le budget. Brad Crevoy, qui la même année produisait Dracula 3000. 3000 ? Oui. Alors je vois Dracula 2000. Ah, c'est peut-être Dracula 2000, j'ai peut-être rajouté 1000 sans faire gaffe. Hein. Ouais, c'est peut-être Dracula 2000. Bon, c'est quand même nul, hein. Mais... Oui, c'est très nul même. A priori, dans le scénario original, il y avait moins d'éléments horrifiques et Garris les a ajoutés à la demande du studio parce qu'il y avait le nom de King qui était rattaché et il trouve au final que c'est une bonne idée que ça rajoute en tension. Après une recherche de financement très longue, tout va se mettre en place très rapidement et en fait Mick Garris va avoir 4 semaines entre le moment où le budget est sécurisé et la date de tournage. C'est vraiment, ça se décide au dernier moment et donc il doit trouver le casting très très vite. Et il y a certains acteurs qui apparemment sont même trouvés le jour du tournage de leur scène. Ah oui, quand même. Avec en plus une réduction juste avant le début du tournage de budget de 30%. Donc des conditions de tournage assez compliquées. Au casting, dans le rôle d'Alan Parker, il y a Jonathan Jackson, qui était encore jeune à l'époque. Enfant et ado, il a eu un rôle récurrent dans General Hospital. D'accord. Sa carrière au cinéma n'a pas vraiment décollé en dehors d'un tour sur le bolide, justement, il n'a pas fait grand-chose. Et l'année prochaine, il a l'air très croyant, et l'année prochaine, il sera à l'affiche d'un film chrétien qui s'appelle Unsung Hero, et qui est le premier truc dans lequel il joue au cinéma depuis 14 ans. Ça a l'air moins cringe que pas mal de trucs chrétiens, mais bon, voilà, je méfie toujours. Et dans les années 2010, il a eu un rôle récurrent dans la série Nashville. D'accord. Voilà. Dans le rôle de George Staub, il y a David Arquette, alors qui a une grosse carrière en réalité. Enfin, il joue pas mal, mais on le connaît surtout pour le rôle de Dewey dans Scream. Oui. Donc dans les Scream 1 à 5. Donc l'agent de police. Il a eu une carrière de catcheur aussi. A priori, ah bon, pas longue, mais il a fait du catch. Je savais pas, visiblement, il n'était pas méga apprécié. D'accord. Voilà. Bon, bah. Voilà, c'est un acteur que j'aime bien dans Scream, mais je le connais quasiment pas en dehors, en fait. Donc, oui, voilà, c'est ça le problème de David Arquette. Et il a joué dans Never Die Alone avec DMX. Je sais pas si tu connais ça. Oui, je connais. Je ne l'ai jamais vu, mais je connais. Alors, j'ai oublié de vérifier, mais j'imagine que c'est un truc dont Ace Modé pourrait parler, vu qu'il a son podcast sur les films avec des rappeurs. Ah oui. Dans le rôle du vieillard qui prend Alan en autostop, il y a Cliff Robertson, pour qui un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, oui, évidemment. Exactement. Donc l'oncle Ben dans la trilogie de Sam Raimi, en réalité dans le premier et en flashback dans les deux autres. Oui. Il a joué, beaucoup hein, tout au long de sa carrière. Mais on peut évoquer le rôle de Buzz Aldrin dans une adaptation de son autobiographie en 76 sur la difficulté à se refaire à la Terre. Et ça m'intéresserait un peu à voir. Je sais que c'est aussi ce qui a inspiré un roman de Dan Simmons, je crois, dont j'ai déjà parlé, Les Larmes d'Icare. Ouais. qui est un vachement bon roman. C'est un sujet intéressant, je trouve, un peu ce blues de, du retour à la Terre quand t'as passé du temps dans l'espace. Alors ça, c'est l'arsené, par contre. Je l'ai pas lu, le retour à la Terre. Moi non plus. Il paraît que c'est bien. Mais il paraît que c'est une excellente BD. Mais par contre, l'arsené a un putain de style. Donc... Oui, clairement. Et d'ailleurs, un tour sur le bolide, c'est le dernier vrai rôle de Cliff Robertson au cinéma. Il est mort pas longtemps après. Ouais. Il a fait un caméo dans Spider-Man 3, mais ça s'arrête là. Mm. Et la mère de Alan est jouée par Barbara Hershey, qui était une actrice assez importante de la période Nouvelle Hollywood. Elle a joué Marie Madeleine dans La Dernière Tentation du Christ de Scorsese, par exemple. Mm. Elle a le rôle principal dans L'Emprise. Elle a des rôles dans des films comme Portrait de femme de Robert Altman ou Anna et ses sœurs de Woody Allen. Donc une actrice qui a quand même pas mal joué pour le ciné d'auteur américain, ouais, à partir des années 70. Dans des rôles plus populaires, on peut mentionner qu'elle joue la grand-mère dans les deux premiers Insidious. Oui. Et j'en profite pour dire que L'Emprise est un film extraordinaire. Je ne l'ai pas vu, L'Emprise. Un film que j'adore. Que j'ai chopé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas cher sur Disking. D'accord, il faut que j'y retourne, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Disking. Voilà, pour information. Et elle joue aussi dans la série Once Upon a Time, elle joue le rôle de Cora, c'est un rôle de composition, c'est dans son duel avec Carrefour. Mais elle est très très bien dans le rôle d'une grande surface, en plus il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. C'est... Ah, du coup elle a perdu. C'est... Oui, ouais, c'est... du coup elle a perdu. C'est dans la saison 5, hein, elle tient un moment, mais Cora perd à la fin, voilà. Mais c'est vraiment un rôle de composition, elle aurait mérité l'Oscar, hein, je trouve. Comme toi. Tes blagues. Le tournage se fait à Vancouver en novembre et décembre 2003. Ouais. Il est fini 2 jours avant Noël. Ah, parce que quand il y a du vent, on va mieux se couvrir, oui. Bah oui, c'est ça. Enfin, je crois que c'est surtout un endroit où tout le monde va quand il n'y a pas beaucoup d'argent, parce qu'il y a des trucs d'impôts et de tournage très avantageux au Canada. Au Canada, oui. Ouais. Bâton Rouge aussi, qui est une ville où tourne beaucoup de films ou de séries. Oui, effectivement. Le directeur photo, c'est Robert C. New, qui a fait la photo de Full Contact avec Van Damme. Mmh. J'aime bien Full Contact. Mmh. Une virée en enfer 2, qui existe. Je ne savais même pas que ça existait. Si, je savais que ça existait, mais par contre, je suis pas allé jusqu'à le voir. Il a fait la photo de la série télé Blade, que je n'ai pas vue, mais ça n'a pas très bonne réputation. C'était catastrophique. De Street Dancing Ninja et de Pardon. Oui. D'accord. Et de Extra Sensu. Ah. Qui a l'air un peu fun en vrai celui-là. Extra Sensu. Attends, mais ça me dit quelque chose. Bah. D'ici que tu l'aies chopé, parce que un éditeur obscur l'a ressorti. Mais oui, mais je crois que je l'ai en plus. Oh bah oui, là c'est. Là je suis prêt à parier que c'est le chat qui fume, hein. Un truc comme ça. Non, même pas, attends. Un podcast interactif, hein, encore une fois. Ah oui, il est là. Extra Sensu. C'est très bien en plus, hein. D'accord, bon bah, Extra Sensu, écoute. Avec des effets pratiques. Oui, non, mais le film donne un peu avant envie, hein. Bonne nouvelle, vos rancards sont là. Mauvaise nouvelle, ils sont morts. Si ça, c'est pas une tagline. Non, très très bien, Extra Sensu. Bon bah, je note. Bon, la photo et la direction artistique en général, je les trouve sympas et retranscrivent une ambiance légèrement onirique qui est pas désagréable. Il y a un peu de travail là-dessus, oui, clairement. Le héros est étudiant en peinture dans cette version-là, et donc il y a plusieurs peintures qu'on va voir dans le film de lui, dont certaines un peu animées, et elles sont l'œuvre de Bernie Wrightson, donc le dessinateur de comics dont on a déjà parlé, notamment quand on a évoqué L'année du loup-garou, parce que c'est lui qui avait fait les illustrations. Et aussi du comic Creep Show qui était sorti après le film. C'est surtout dans le podcast Creep Show, je crois qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Peut-être, mais on l'avait quand même pas mal évoqué avec L'année du loup-garou. Ouais. Donc on va pas non plus refaire tout son parcours. Oui, hein. Voilà. On en a déjà parlé 2 fois. Mais globalement, c'est un putain d'illustrateur. Hein. Oui, effectivement. J'ai lu une interview de lui très intéressante où justement il dit qu'il aime bien jouer sur la comédie quand il dessine vraiment des illustrations horrifiques, parce qu'il trouve que le voile entre la comédie et l'horreur est vraiment extrêmement fin si tu sais le maîtriser totalement, et je trouve que c'est un rapport très intéressant justement. Oui, je trouve ça c'est assez exploité chez pas mal de cinéastes, hein, notamment je trouve que pas mal dans le cinéma coréen on a ce voile, cette frontière un peu ambiguë. Genre dans J'ai rencontré le diable, avec des scènes très drôles, des fois. Alors que c'est horrible. C'est pour ça que l'humour noir fonctionne si bien. Hein. Ouais. La musique est de Nicolas Pike, dont on a déjà parlé aussi plusieurs fois, parce que c'est un collaborateur récurrent de Garis, et je la trouve assez anonyme. Voilà, pas grand chose à en dire. Il y a une forte présence aussi de musique préexistante, donc des années 60 et un peu plus tard. Trop. Ouais, en fait, c'est soit trop, soit pas assez. Soit il aurait fallu qu'il y ait que ça et que ce soit vraiment maîtrisé dans l'utilisation, mais là, ça fait pas très intéressant au final. Bah, le film même s'ouvre sur une musique préexistante. Oui. Et le film connaît une sortie limitée en salle le 15 octobre 2004, mais c'est un échec en salle. Il ne rapporte que 134 711 dollars sur le sol domestique et grosso modo la même chose à l'international. Mais comme l'essentiel de son exploitation, ça a été du DTV, c'est pas forcément révélateur de sa rentabilité réelle. Le DVD sort le 19 avril 2005. Il est assez mal accueilli, beaucoup disent qu'on s'ennuie. Il a actuellement 23% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 55e entre Les Enfants de Salem et Les Démons du Maïs 7, et 1,9 étoiles sur Allociné, ce qui le place 56e après Maximum Overdrive et avant Dreamcatcher, The Mangler et Creepshow 3. Je trouve ça bien de ta part de tout laisser tomber comme ça et de filer voir ta mère. Ben, c'est une gentille mère. Bien, Madame Parker. Ah, c'est sûrement le petit Al que voilà. Alan, vous qui êtes-vous ? C'est Monsieur Dalrymple qui représente le SAE. Bien, je crois avoir tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, Madame Parker. Bien. Nous vous tiendrons au courant. Merci. Oh, et merci pour le café et les gâteaux. Y a pas de quoi. Garçon. Au revoir. C'est quoi le SAE ? D'après lui, ça veut dire service d'aide à l'enfance, mais je pencherais plutôt pour salopard, abruti et emmerdeur. J'ai dû faire des mines à cette larve blanchâtre, j'ai dû ramper pour être sûr qu'il fasse un bon rapport et qu'on nous alloue une bourse de 50 dollars par mois. Quoi ? Salopard, abruti et emmerdeur. C'est toi et moi contre le monde entier, Al. Et donc on va pouvoir passer à nos avis. Qu'as-tu pensé de l'adaptation d'Un tour sur le bolide ? C'est compliqué. Pour être tout à fait honnête, je l'ai vu ce matin, juste avant que tu arrives. C'est un film qui a des bonnes idées. C'est un film qui est rempli de défauts. C'est un film foutraque, vraiment. C'est genre, tu passes d'idées sympas à des moments où tu te fais totalement chier, tu sais pas pourquoi. Je préfère quand même le Mick Garris plus libre, parce que clairement, c'est la première fois qu'il ne suit pas à la lettre une nouvelle ou un scénario de King, où il se laisse un peu aller. Je préfère quand même le Mick Garris qui se laisse un peu aller à celui qui colle absolument au scénario et qui devient totalement chiant au bout d'un moment. Je préfère cette version-là, mais c'est quand même loin d'être un bon réalisateur. On va pas se voiler la face. C'est pas un bon directeur d'acteur non plus, parce que l'acteur principal, ouais, c'est pas ouf, hein. La vache. Et du coup, bah, tu le subis deux fois, parce qu'il y a son double qui lui parle tout le temps. Et ce qui est une bonne idée à la base, devient vite chiant, parce qu'il joue très mal. Il y a des scènes, vraiment, où il joue tellement mal que ça en devient absurde. La scène, début de film, la tentative de suicide dans la baignoire. Ah ouais, elle est ratée. Elle est horrible, cette scène. C'est dommage, parce que sinon, elle est pas mal filmée. Oui. Et en plus, et ça fait partie de ces scènes qui ont des bonnes idées, parce que dans la salle de bain, il a dessiné des personnages féminins sur les murs. Et au moment où il veut se suicider, donc t'as une entité, t'as la mort, en fait, qui apparaît, et qui répète cut, pour qu'il se coupe, il se tranche les veines. Et tu as les dessins qui s'animent et qui prononcent également. Et ça, c'est une très bonne idée. Visuellement, ça rend très très bien. Mais il joue tellement mal, lui. On dirait qu'il est perdu dans ses pensées. On dirait qu'il est en train de penser aux huîtres mal cuites qu'il a bouffées hier soir. C'est incroyable. Comment on peut aussi mal jouer ? Non, j'ai rarement vu ça, quoi. Il y a d'autres scènes comme ça qui sont, que moi, je trouve sympathiques, mais gâchées par plein d'autres trucs, en fait. Donc, c'est pas le pire des Mick Garris. Je sais pas si c'est le meilleur des Mick Garris qu'on ait vu. Pour moi, il est pas si loin que ça, que La Nuit Déchirée, par exemple, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même laborieux. Ouais, alors, en fait, moi, pareil, un peu compliqué, parce que j'ai passé le film à me dire, au moins c'est sincère, au moins ça tente des trucs, et donc à vouloir bien l'aimer, mais à pas y arriver. Ouais, c'est ça. Parce que, voilà, c'est... En effet, la direction d'acteur est pas bien. Les idées visuelles, il y en a, mais elles sont pas suffisamment abouties pour me captiver. Ouais. Et je trouve que, pour le coup, il y a un problème de rythme, c'est qu'on se fait chier, quoi. Ouais. La volonté de rallonger le voyage fait qu'il y a certaines étapes, il fait vraiment le pire voyage imaginable, en fait. C'est, à un moment, je m'attendais à ce qu'il tombe sur un groupe de néo-nazis, tellement il n'a pas de chance. Non, mais le cliché, à un moment, il tombe sur une espèce de car hanté avec à l'intérieur des gamins déguisés en clown. Quoi. Tu fais, mais qu'est-ce que c'est? Alors, je sais pas si c'est un car hanté, je me dis juste, vu que le film se passe à Halloween, c'est juste un car avec des gamins qui reviennent. Ah, peut-être, mais vu que c'est filmé de manière un peu fantomatique. Comme ça, ouais. Même la rencontre avec les espèces de rednecks qui veulent le tuer pour un doigt d'honneur. Oh ouais, quand même. Alors écoute, dans cette pas région... Pas crédible, il est blanc. Dans cette région du monde, tu sais. Hein. Non, mais il est blanc, ça passe pas. La scène du chien aussi, là, qui est incroyable. Oui. Non mais, la scène... Attends. C'est quand même une scène où tu sais pas si ça doit être drôle ou pas. Parce qu'à un moment, t'as le lapin qui sort des fougères, donc lui, il fait... Au début, il avait peur parce qu'il entend un bruit, et après, il voit que c'est un lapin, alors il fait « Oh, ça va, c'est juste un lapin ». Et tout d'un coup, t'as un chien énorme qui surgit, qui bouffe le lapin comme ça, et qui s'énerve sur le lapin, et tu sais pas si tu dois rigoler ou pas, en fait, à ce moment-là. Parce que, pour le coup, le film met vraiment des passages de comédie qui, par moments, sont réussis, mais parce que tu ris à dépens du film. Oui. Et du coup, tu sais plus où te placer au bout d'un moment. C'est ça, le problème. Bon, c'est... Voilà, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas vraiment aimé, mais j'ai pas non plus envie de trop le saquer, tu vois. Ah bah pour moi c'est un film, c'est compliqué. Pour moi c'est un film moyen moins. Oui. Tu vois, Les Enfants du Maïs, l'épisode d'avant, d'il y a 15 jours, on était sur du moyen plus, et là on est vraiment sur du moyen moins. Oui, on est quand même aux deux extrêmes du moyen pour moi. On était dans le haut du moyen plus avec Les Enfants du Maïs, là on est dans le bas du moyen moins. Des fois il y a des idées, en fait, c'est des bonnes idées, mais... T'étais pas obligé d'utiliser 15 fois dans ton putain de film les faux flashbacks. Oui. Mais en fait, la quasi-totalité des idées sont trop exploitées parce qu'il faut rallonger la sauce. Hein. Et, enfin, non, c'est même pas des flashbacks. C'est des. Le personnage s'imagine ce qui pourrait se passer. Ouais. Et au tout début du film, ça fonctionne quand il est avec ses potes et que, genre, il leur propose d'aller au concert à Toronto. Et t'as le téléphone qui sonne. Toi, si t'as lu la nouvelle, tu sais très bien que c'est la voisine qui appelle pour le prévenir que c'est une crise cardiaque. Mais. Ses potes font genre « Attends, décroche pas, s'il faut, c'est ta nana qui appelle pour dire que finalement elle va aller au concert avec toi et du coup on va être niqué. » Et du coup il décroche et effectivement c'est sa nana qui l'appelle pour ça. Sauf que non, c'était une imagination et du coup en fait il est encore devant le téléphone qui sonne. Et là c'est la toute première fois que le film fait ça et c'est réussi. Le problème, c'est que le film va réutiliser ça 10 fois. Après. Ouais. Et c'est trop. Ou alors il aurait fallu, déjà il aurait fallu moins l'utiliser, il aurait fallu peut-être le filmer différemment pour un peu plus raccorder tout ça plutôt que toujours par des coupes qui finalement sont assez lassantes. C'est ça. C'est dommage. Ça c'est dommage. Parce que ça marche bien au début puis après c'est foiré. Globalement, ses potes sont pas... sont pas très sympathiques, enfin c'est pas très loin qu'il doit aller, il est à 200 km donc à mon avis les potes ils auraient pu le déposer avant d'aller au concert. Bah oui. En réalité ça leur aurait fait un gros détour, mais quand même. Ouais, mais le concert en plus il est pas aujourd'hui, il est dans quelques jours, ils nous disent quoi. En plus le concert, bon ok il y a John Lennon, mais il y a la Yoko Ono Plastic Band, faut pas déconner, c'est odieux. C'est pas parce qu'on est en 69 que c'est tolérable. Et puis surtout ils ont appris qu'il doit aller à l'hôpital parce que sa mère a fait une crise cardiaque. Et quand ils font démarrer la bagnole, tu les entends tous les deux « Youhou !» Oui, ah oui, non, ils ont vraiment aucune empathie, les potes. Tu dis « Mais les gars, un peu de pudeur !» Surtout qu'ils savent que c'est que leur ami vient de faire, une tentative de suicide, c'est vraiment... Oui, en plus. Il le laisse sur le bord de la route avec sa mère mourante, alors que le mec, il s'est taillé les veines la veille. Mais ça, c'est voulu, par contre, que ça soit un petit peu comique, parce que t'as là, du coup, la réaction du personnage qui fait genre « les voyant partir hein. !» Ouais. Donc ça, ouais, c'est mais voulu, bon. Mais c'est mal fait, mais c'est voulu. La rencontre, la mort est pas mal faite par contre dans la scène où il veut se tuer, la mort qui vient le voir. Ouais, mais je trouve que le pseudo-rock qui démarre quand elle ouvre la porte, c'est trop. Oui. Oui, mais ça, musicalement, c'est une tentative de truc, mais qui n'est pas aboutie encore une fois. Toute la musique est dans cet état-là. Il y a pas mal de tentatives de rock, mais qui marchent pas parce qu'elles sont pas très bien faites. Mais par contre, oui, le costume est réussi. Ouais. Le costume. Mais de toute façon, globalement, les effets pratiques sont réussis. Ouais. Globalement. Effet pratique, tu l'as pas mentionné parce que. Il y a Nicotero hébergé dessus, ouais. Et surtout, en fait, c'est la team qui avait bossé sur Scream. Oui, et sur Creep Show 2 aussi. Mais... voilà. Donc, ouais, les effets pratiques, là, pour le coup, j'ai vraiment rien à redire. Alors, une scène que j'ai trouvée vraiment, vraiment ratée, c'est quand sa copine vient le voir à l'hôpital juste après sa tentative de suicide. Ah oui. Tous les propos qu'il a, pour le coup, c'est un peu de la métaphysique à deux balles. Bah, du coup, ça fait forcer, ça fait pas. Je trouve pas que ça fait propos de dépressif, ça fait propos de mauvais philosophe. Ouais. C'est... ça donne pas envie d'avoir de l'empathie avec le personnage, qui est assez détestable, hein, je trouve, dans oui, le film. Oui. À la limite, ça pourquoi pas, parce que quelqu'un de dépressif peut ne pas être agréable, en fait, par moment. Mais, pas sortir de son contexte, cette phrase-là. Mais, c'est-à-dire, on peut comprendre qu'il y ait des pensées très sombres, des pensées méchantes envers certaines personnes, qu'il en veuille au monde sans vraiment de raison. Mais je trouve pas ça très bien amené, en fait. Et du coup, j'ai du mal à équilibrer l'antipathie avec quelque chose de plus aimable et une compassion pour lui. Et voilà. En partie parce qu'il joue mal, hein. Oui. Ça aide pas. C'est clair que ça aide pas. T'as une scène un peu jolie avant où, tu sais, en fait, il rêve de se réveiller à l'hôpital et donc t'as sa nana qui se penche sur lui et t'as les ailes d'ange là qui se déploient. Oui. Visuellement, ça rend plutôt bien. Après, le problème, c'est que niveau couleur, c'est beaucoup trop saturé. Oui. Le blanc est beaucoup trop poussé à donf et du coup, ça rend la scène un peu dégueu. Ça fait même scène de porno, aux limites, tellement il y a de la lumière saturée à tonf. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ça va partir en couille ou quoi? Oh, bon. Pourquoi pas. Allez, monte sur mon bolide. Déjà, le film s'ouvre, limite, sur une nana à poil qui pose. Donc tu dis, oui. Ah, mais où est-ce que je suis tombé? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est vrai, il y a ça dès le début. Bah, au moins, c'est fait, c'est mis. Alors, je tiens à préciser, par contre, je trouve que le film s'ouvre de bonne manière, puisque tout le générique d'introduction du film, c'est... un générique flashback où tu vois la jeunesse du personnage. Oui. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est une oui, très bonne idée. Oui, il est pas mal. Ouais, ça permet d'installer la relation à la mère. Voilà, ça c'est une très très bonne idée, je trouve. Autre réplique que j'ai trouvée un peu forcée, c'est quand un de ses potes parle de comment seront les stars du rock quand elles vont vieillir. Ah oui. Et toutes celles qu'il évoque, c'est celles qui sont mortes. Je crois qu'elles sont toutes mortes avant la trentaine. Oui. À part peut-être une ou deux. Il parle de Lennon. Mais global, Lennon était plus vieux, effectivement. Il avait plus de 30 ans, quand même. Mais il parle que de stars du rock célèbres pour être mortes jeunes. Pour que la réplique fasse moins forcée, il aurait peut-être pu en mettre une ou deux qui ont vécu un peu plus longtemps, genre... bah, qui étaient encore vivants à l'époque. Il aurait pu mettre un Bowie ou compagnie, tu vois. Parce que là, ça fait vraiment forcer dans le côté clin d'œil, je trouve. Et après, voilà, c'est après son voyage va commencer, et là, ça alterne entre des idées sympas et des idées où on sent que ça traîne en longueur. Par exemple, toute la scène avec le routier militaire. Je vois quel thème elle veut traiter, parce que là, pour le coup, elle veut vraiment traiter de l'idée de Mick Garris de la fin d'une époque de mort, d'une certaine innocence, avec le thème de la guerre du Vietnam. Mais comme ça reviendra pas beaucoup ensuite, bah, ça fait très forcé, je trouve. Oui, on est d'accord. Donc ça, j'ai pas tellement aimé. Non, c'est pas tout de suite la rencontre avec le second automobiliste. Pas tout de suite, je crois qu'il y a le chien et les rednecks entre-temps. Alors, non, enfin, les rednecks, c'est après le vieux conducteur. Par contre, il y a l'accident de la route qu'il croise avant. Où en fait c'est une réminiscence de l'accident de son père. Bah oui, il en fait une réminiscence de l'accident de son père, mais on peut se dire qu'il y a un vrai accident qui a eu lieu, parce qu'il y a quand même un vrai flic qui le repousse. Ah, juste avant, il y a la scène rigolote, où il est en train de fumer un joint, et où le corbeau lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, toi ?» Oui, ça, elle est bien, cette scène-là, la scène qui n'a pas vraiment de raison d'être, mais du coup, elle est rigolote, la scène avec le corbeau. Et du coup, en fait, j'y pense, parce que le corbeau, après, se fait faucher par une bagnole au moment où il redécolle. Ouais. Et en fait, si t'as fait attention, la bagnole qui fauche, c'est l'ambulance que tu vas recroiser plus loin à l'accident de son père. Oui, c'est ça. Donc ça, ça fait partie des idées sympas, mais c'est assez court. En plus, globalement, sur la scène du corbeau, je trouve que la route est bien éclairée. Il y a un joli travail photo sur ce moment-là. Ouais, avec le corbeau qui bouffe une carcasse dont on ne sait pas trop quoi. Ouais, carcasse répare, carcasse remplace. Voilà, c'est fait. Ensuite, effectivement, il est récupéré par le vieux conducteur. Bah, cette scène-là, pourquoi pas, parce que je trouve que l'acteur joue vraiment bien, pour le coup. Il est plutôt touchant quand il évoque les souvenirs de sa femme. C'est ça, il joue bien le type qui a vraiment besoin de compagnie et qui veut le retenir, mais qui en même temps est un vieux qui fait un peu pitié et t'as pas envie de rester avec lui, quoi. Tu le connais pas, il est un peu inquiétant. Et puis il sent la pisse. Oui, mais il est un peu touchant en réalité. Je trouve que le personnage, grâce au jeu d'acteur, là, pour le coup, est réussi. Oui. J'aime beaucoup la scène où, du coup, il le quitte. Il lui dit non, allez, parce que le vieux lui propose, alors que normalement il doit s'occuper de son frère, il lui propose finalement, c'est pas grave, j'irai aider mon frère après, je vais t'amener à l'hôpital. Le personnage principal refuse, poussé par sa petite voix dans sa tête là. Et à un moment il s'éloigne de la voiture, et en fait quand il se retourne, il voit ce petit vieux-là en compagnie, du coup, de sa femme décédée. Et après, il y a un camion qui passe devant et le petit vieux se retrouve de nouveau tout seul. Mais je trouve la scène plutôt jolie. Oui, ouais, c'est un des beaux moments du film, celle avec ce personnage-là. Le nom, c'est Parker ? Oui, Jean Parker. J'appelle le docteur Higgins. Docteur Higgins, le fils de Madame Parker est là. D'accord. Il arrive dans une minute. Monsieur Parker. Je suis désolé, Alan. Votre mère nous a quittés à 8 heures ce soir. Voyons voir. Le nom, c'est Parker ? Oui, Jean Parker. Il faut que j'appelle le docteur Shustek. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, docteur Shustek, le fils de Madame Parker est là. D'accord. Le docteur Shustek arrive tout de suite. Monsieur Parker. Je ne vais pas vous mentir. Votre mère est un légume, un rutabaga, une banane, une courge. Elle est foutue. Et vous aussi. Voyons voir. Ah, la voilà. Chambre 487. J'appelle le service pour savoir si vous pouvez monter. Après, il y a les rednecks, là, pour le coup. Je la trouve vraiment chiante, ce ouais. moment-là. Ah, elle est trop longue. Ouais, et puis même, ça, je trouve que là, on sent que c'est fait juste pour rallonger, quoi. Vraiment, là, elle est trop longue, puis il n'y a aucune tension, c'est incroyable. Oui. Il se fait poursuivre par deux mecs qui sont armés d'un fusil. À un moment, il s'enferme dans une espèce de... pas de quoi, caveau. Une sorte de frigo, non ? Il y a un frigo. Oui, c'est une espèce de frigo, c'est ça, parce que c'est une similité décharge dans laquelle il atterrit. Il se fait enfermer dans un frigo. Dans le frigo, il y a une grosse araignée qui approche peu à peu de sa main. Il n'y a aucune tension. Ouais. C'est incroyable. À aucun moment, tu flippes. Alors que normalement, s'il avait lu ça, il sait que c'est pas une bonne idée de s'enfermer dans un frigo avec Kenya. C'est vrai. Mais oui, mais s'il aurait vu Indiana Jones 4, il aurait su que c'est une bonne idée, les frigos. Ouais, si les rednecks avaient eu des bombes nucléaires, peut-être. Quand même pas. Ouais, les frigos résistent mieux aux bombes nucléaires qu'aux tirs de chevrotine. Ouais. Voilà. Là, cette scène, elle a d'autant plus aucune tension que vraiment. Je pense que même dans l'Amérique profonde, les mecs, ils te poursuivent pas pour te tuer quand. Parce que tu leur as dit fuck off. D'honneur. C'est ça. Il y a un moment, il y a peut-être un peu d'abus, quoi. Oui. À la limite, tu sais, genre, ils freinent et ils reculent pour te mettre un coup de pression, mais c'est tout. Ça. Ouais, voilà, parce que là, vraiment, ils le poursuivent pendant un moment, ils sortent le fusil, waouh! Ils sont décidés. Ah oui. Alors ça, c'est des futurs électeurs de Trump. Hein. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est peut-être Trump lui-même, d'ailleurs. Donc après ça, il atterrit dans le cimetière. Bah, il y a le chien, déjà, dont on a déjà parlé, ah oui, effectivement. C'est vrai, le chien, on en a déjà parlé. C'est là que je me suis dit, c'est trop d'étapes et c'est trop de trucs qui se passent mal, vraiment, qui s'enchaînent. Ça fait trop pire voyage de l'univers. On est à la limite d'un truc que tu pourrais avoir dans un épisode des Simpsons. C'est ça. Où toutes les étapes qui peuvent partir en couille, partent en couille. C'est ça. Et à la limite, en fait, là, après un voyage comme ça, tu peux te dire uniquement, bah en fait, la route, là, c'est le purgatoire, c'est tout, il est mort. Ouais. Tellement il lui arrive de trucs. Tu peux avoir cette impression-là, ouais. Effectivement, ensuite, il arrive au cimetière. Donc là, c'est là que vraiment on raccorde avec la nouvelle, parce que tout ce qu'on avait avant, au final, à part l'appel de la voisine, n'avait été de l'ajout. Et c'est là que ça se reconstruit avec la... Et le vieux. Et le vieux autostoppeur. Et après, là, Pas autostoppeur. Oui, le vieux conducteur. Le vieux conducteur. Là, ça reçoit la nouvelle beaucoup plus finalement, quasiment jusqu'à la fin, même si la toute fin est un peu différente. Donc, il est dans le cimetière, il voit une tombe au nom George Staub, et il voit, il a une vision d'une sur la tombe d'une phrase que disait souvent sa mère, qui est une vision erronée, mais du coup, il se persuade que c'est un symbole que sa mère est déjà morte. Voilà. Et après, il est pris en stop par un conducteur, donc qui est joué par David Arquette. Et qui est le fameux George Staub, et il se rend compte très vite qu'il voyage avec un mort, quelqu'un qui est décédé dans un accident de la route. Voilà, ça, c'est ce qu'on a parlé quand on parlait de la nouvelle, du coup. Ouais. David Arquette, bah, il joue mieux que le rôle principal, mais je trouve pas ça non plus... Oh, il joue mieux que l'ensemble du casting, hein, mais clairement, il a pas dû être payé bien cher, ni bien être dirigé, quoi. Oui, c'est ça. C'est parce qu'il fait le taf, mais il est pas extraordinaire, quoi. Ah oui, alors que quand tu le vois dans la saga Scream, clairement, tu vois que c'est quand même un bon acteur, qui a du potentiel, quoi. Oui. Après, il a peut-être moins de trucs à défendre aussi que dans la saga Scream. Là, son personnage, au final, est assez simple. C'est un personnage de... Un peu de trickster. Oui, voilà. Il fonctionne pas trop mal, mais c'est pas non plus extraordinairement écrit. Donc là, le voyage, bah pareil, il est long, surtout qu'il y a toute la poursuite dans le parc d'attractions qui est ajoutée, qui, moi, me paraît dispensable. Oui, bah... Il n'y a, pareil, aucune tension, je trouve. Il n'y a aucune tension. Tu profites juste du parc d'attractions lui-même, qui a un beau décor, mais en même temps, c'est un vrai parc. Oui, toujours des beaux décors, les parcs d'attractions. Voilà. C'est Terrifier 2 aussi, qui se finit dans un parc d'attractions. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu l'as vu, finalement, le 2? Oui, je l'ai vu. C'est beaucoup trop violent et beaucoup trop long pour ce que ça raconte, mais... Oui. C'est Terrifier, quoi. Alors, j'imagine le 3, si vous nous faites un film de 3 heures, encore plus violent, bah, putain. Ouais. Mais donc voilà, une poursuite dispensable. Par contre, ce que je trouve réussi, dont on n'a pas parlé tout au long du film, c'est les scènes avec la mère, parce qu'elle aussi, elle joue bien, pour le coup. Oui. On ne peut pas lui les retirer, je trouve qu'elle est très bonne actrice. Bah, après, vu ce dans quoi elle a joué au cours de sa carrière, elle avait déjà plus tellement à faire ses preuves au moment du tournage. Mais les scènes avec son fils sont plutôt touchantes. Elle joue bien la mère seule qui a du mal à joindre les deux bouts et qui, du coup, a tendance à s'énerver facilement. Ouais. Je trouve que c'est un bon perso, la mère, très proche de celle du livre. Oui, très proche de celle de la nouvelle, effectivement. Ouais. Et oui, l'actrice est... a vraiment le personnage. Quoi. Vraiment, a priori, du coup, assez proche de la mère de King, vu qu'il disait que c'était plutôt... c'est plutôt la situation qu'il a vécue, lui. Leur père les a laissés très jeunes. Oui. King est son frère. Sauf qu'il a... Que dans le recueil Tout est fatal, il dit que c'est quand même une nouvelle assez personnelle. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est... Je sais plus quand est morte sa mère, mais c'est possible que ce soit lié à tout ça. Je crois qu'elle est morte assez jeune aussi, hein, sa mère. Il avait publié ses quelques premiers livres, elle a connu son succès, mais pas de beaucoup. Donc oui, elle est... Là, je pense que vraiment, elle joue limite la mère de King à l'écran, et elle le fait bien. Oui, clairement, oui, oui. Très très bonne actrice. Donc le voyage sur le bolide, bah, comme tout le reste du film, je le trouve trop long pour vraiment fonctionner. D'ailleurs, il y a le flashback à la fête foraine quand il est gamin. Avec la mort qui le bazarde. Oui. Qui est un peu rigolo à la limite, pour le coup. Qui bénéficie d'une incrustation sur fond vert pendant la chute qui est pas fofolle, mais. Oui. C'est complètement con. Ça m'a surpris, il reprend pour raconter la mort de George Staub, son accident de voiture. Il reprend l'idée du flashback en film. Ça, j'aime bien. Ça, j'ai bien aimé. Je trouve que c'est moins pertinent quand même dans celui-là que ça ne l'était dans Désolation. Oui. C'est moins pertinent, mais je trouve que l'idée est sympathique. L'idée est rigolote, aurait peut-être fallu la faire autrement, peut-être en ayant plus une réalisation de film d'horreur des années 60, oui, en fait. Voilà, parce que ça prend du coup une réalisation d'actionneur, ouais. En fait. Parce que du coup, pour vous expliquer, on arrive sur la partie comment George Staub est décédé, et en fait, ça cut, et on se retrouve devant un cinéma, la caméra fait un travelling avant pour rentrer dans le cinéma, puis dans une salle de cinéma, l'écran s'allume, et le film démarre... Rising the Bullet avec George Staub, et tu vois comment il est mort, quoi, en fait. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée, que c'était plutôt bien amené. Ouais, je pense qu'il aurait vraiment fallu la faire en ayant un style de film d'horreur de l'époque. Pour les années 60, c'est quand même très marqué visuellement dans ce que ça faisait de l'horreur. Alors qu'effectivement, là, ça fait plutôt actionneur comédie. Ouais, c'est ça. Parce que, genre, à la fin, quand t'as la tête coupée qui fait un clin d'œil, et puis fin. Bah alors qu'à la limite, ça, je vois assez ça dans une série B des années 60. Oui, clairement. C'est juste autrement visuellement. Mais ça, c'est le truc sur lequel aurait pu se finir une série B débile de cette époque. Mais voilà, ça fait partie des idées que j'ai bien aimées du film. Ouais. Ensuite, donc, le voyage avec George Staub s'achève. Il revient dans le cimetière, il va à l'hôpital. Ça, c'est comme dans la nouvelle. Comme dans la nouvelle, il sacrifie sa mère, du coup, ouais, à sa place. Ça. Là, de nouveau, on a beaucoup trop l'utilisation des espèces de flash-forward, de vision de personnages. Ouais. Alors, c'est dommage, parce qu'on l'a deux fois d'affilée, et sur les deux, donc c'est le médecin qui dit « Bon, bah, ta mère, elle est morte ouais. ». Deux fois, c'est ça. Sauf que le deuxième est plus drôle, je trouve. Parce que le premier est un vrai médecin qui t'annonce qu'elle est morte. Et le second, c'est genre « Écoute, ta mère est foutue, tout est foutu, même toi, t'es foutu. » Et par contre, lui, il m'a fait rire. Mais ils auraient dû en mettre qu'un seul, et c'est celui-là qu'ils auraient dû mettre, pas les deux. Le premier, c'est Garris, d'ailleurs. Oui, exact. C'est Mick Garris lui-même. Qui fait un petit caméo. Qui fait son petit caméo. Ils auraient dû mettre King, du coup, pour le second médecin. Ça aurait été drôle. Surtout qu'il l'aurait bien fait, ça, je pense, pour le coup. Moi, ça m'aurait fait rire. Et après, comme dans la nouvelle, je trouve que la fin traîne un peu en longueur. Elle est un peu différente. Dans la nouvelle, il y a encore, je crois, 7 ans. Qui passe entre beaucoup d'années. Il y a quand même pas mal d'années. Là, dans le film, c'est 2 ans, À 2 ans même seulement. C'est vraiment pas longtemps en tout cas. Ouais, les autres différences, c'est que sa mère meurt chez lui alors qu'il est juste à côté, alors que là, c'est juste qu'elle meurt, c'est la voisine qui l'appelle encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est des différences infimes, quoi. Ouais. Et puis on se rend compte que là, il a un peu de mal à reconnecter avec tout le début et toute la vie qui était installée au début. Parce qu'on peut se poser des questions, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'au final ses études artistiques ont été abandonnées, on nous dit qu'il l'a abandonnée, mais pourquoi ? La relation avec sa copine, bon, on se doutait qu'elle n'était pas forcément super bien partie, mais ça nous annonce quand même un peu n'importe comment qu'ils se sont mariés et qu'ils ont divorcé assez vite. On sent qu'il a du mal à raccorder les wagons à la fin, qu'il veut tout fermer très vite, parce que bah, tout ça, tout le début, a été totalement oublié. À partir du moment où il a commencé son voyage, ça n'a plus du tout été traité. Et donc ça traite pas non plus du thème de la fin d'une époque, de la fin des années 60, que Garris voulait, semble-t-il, vraiment aborder. Oui, c'est ça. Il aurait fallu que la métaphore soit beaucoup plus présente tout au long du film, tout au long du voyage. Ça aurait peut-être permis aussi de diversifier les étapes et qu'on s'ennuie moins pendant le voyage. Et puis à un moment, Garris casse totalement l'ambiance, surtout. C'est-à-dire, il y a une scène qui aurait pu être très émouvante, la scène du cimetière, donc à l'enterrement de sa mère. Et tout d'un coup, le cercueil s'ouvre et c'est George Taupe qui attire le personnage principal dedans. Mais non, en fait, c'était une vision. Ouais, c'est vrai. Pourquoi tu fais ça ? C'est totalement nul, ça ne sert à rien. Pourquoi mettre un jumpscare à ce moment-là ? Je comprends pas. C'est comme si dans... attention, hein, attention, parallèle incroyable. C'est comme si, à la mort du cheval, dans une histoire sans fin, il y avait... J'ai pas vu venir ce parallèle, jamais. Il y avait un personnage principal qui arrivait et qui disait « Prout, prout !» Tu vois, ça aurait été tout aussi bidon, quoi. Voilà, Christopher, spécialiste des parallèles incroyables. Et qui vient de ruiner votre enfance au passage. C'est très bien, une histoire sans fin. Oui, non, mais justement, tu viens de ruiner la mort du cheval. C'est une des plus belles scènes de l'enfance. Est-ce que maintenant, tu vas penser à un mec qui surgit en faisant prout-prout quand tu vas revoir? Bah, je pense, ouais, maintenant, oui. C'est foutu. Voilà. Donc, bah, en fait, bah, une fin qui est à... qui est encore une fois symbolique de tout le film, c'est-à-dire il y a des bons trucs, il y a de la sincérité, mais c'est compliqué de la défendre vraiment. Oui, c'est ça. Donc, mais comme l'ensemble du film, en fait. C'est ça. Donc je pense que ça résume notre avis général. Sur un tour sur le Bullet Racing, c'est comment le titre ? Riding the Bullet. Riding the Bullet, le titre VO. Est-ce que tu as des choses à ajouter, toi ? Non, je pense vraiment qu'on a fait le tour. Donc on va faire un petit... comparatif de scène. On est allé voir une gueuse, près des autotamponneuses, avait l'air beaucoup heureuse dans sa robe jaune. Très bien, nous avons choisi un extrait vers le milieu de la nouvelle, grosso modo, on va être dans ces eaux-là. Et le voyage du personnage principal a déjà commencé, il a déjà rencontré le premier chauffeur, donc le vieillard qui a perdu sa femme. Là, il est sur le bord de la route et il entre dans un cimetière qui est sur le bord de la route, justement. Et donc, c'est l'édition Albin Michel de Tout est fatal, donc Albin Michel, donc l'édition grand format, traduit de l'américain par William Olivier Desmond. Et nous sommes à la page 476. Je regardais dans les deux directions. Rien ne venait sur la route, pas la moindre lueur à l'horizon. Je posais mon sac à dos dans l'ornière, à mes pieds, me levais et m'avançais dans le cimetière. Une bouffée d'air redressa la mèche qui me retombait sur le front. La brume s'enroulait paresseusement autour de mes chevilles. Les pierres tombales du fond du cimetière, les plus anciennes, étaient parfois inclinées ou renversées. Les plus proches étaient beaucoup plus récentes. Je me penchais sur l'une d'elles, main sur les genoux, pour déchiffrer son inscription. Elle était entourée de fleurs qui commençaient à peine à se faner. À la lueur du clair de lune, je n'eus pas de mal à lire le nom, George Staube. En dessous figuraient les dates de son bref séjour dans notre monde. 19 janvier 1977, 12 octobre 1998. Voilà qui expliquait l'état de relative fraîcheur des fleurs. Nous étions le 14 octobre, et le jeune homme était mort 2 ans auparavant. Ses parents et ses amis étaient venus commémorer cet anniversaire. Sous le nom et les dates, il y avait autre chose, un texte court. Je me penchais un peu plus pour lire, et battis en retraite d'un pas vacillant, terrifié et soudain trop conscient que j'étais tout seul, en pleine nuit, dans un cimetière. « Vivons joyeux, ce qui est pris », lisait-on. Ma mère était morte, ou se mourait peut-être en cet instant même. Et ceci était le message qui m'en avertissait, envoyé par quelque chose qui était doué d'un sens de l'humour particulièrement déplaisant. Je commençais à reculer lentement en direction de la route, l'oreille tendue, le vent dans les arbres, le murmure du ruisseau, le plongeon des grenouilles, redoutant à présent d'entendre d'autres bruits, Un frottement sur la terre, le craquement de racines qui cèdent, quelque chose de pas tout à fait mort, qui tendrait la main vers mes chevilles. Mes pieds s'emmêlèrent et je tombais de tout mon long, me cognant le coude sur une pierre tombale, ma nuque manquant de peu celle de la tombe voisine. J'atterris sur un matelas d'herbe, avec un bruit sourd, et me retrouvais contemplant la lune qui venait juste de passer au-dessus des arbres. Elle n'était plus orangée mais blanche, et brillait comme de l'eau polie. Au lieu d'achever de me paniquer, cette chute m'éclaircit les idées. Je ne savais pas ce que j'avais vu, mais il ne pouvait s'agir de ce que je croyais avoir vu. C'est le genre de truc qui marche dans les films de John Carpenter ou de Wes Craven, pas dans la réalité. « Bon, oui, d'accord, » murmura une voix dans ma tête. « Et tu n'as qu'à ficher le camp d'ici pour t'en persuader pour le reste de tes jours. »« Et merde, » dis-je en me relevant. Le fond de mon pantalon était mouillé et je tirais sur le tissu pour le décoller de mon corps. Il ne me fut pas facile de m'approcher à nouveau du lieu où George Staub reposait pour l'éternité. Mais pas aussi difficile que je l'aurais cru, cependant. Le vent multipliait ses soupirs dans les branches, annonçant un changement de temps. Des ombres dansaient de manière anarchique autour de moi. Les branches frottaient les unes contre les autres et un craquement me parvint du bois. Je me penchai de nouveau sur la pierre tombale. George Staub, 17 janvier 1997, 12 octobre 1998, vivant joyeux, la mort trop tôt l'a pris. Je restais planté là, à moitié plié, les mains juste au-dessus des genoux, et je me rendis compte que mon cœur battait à tout rompre que lorsqu'il commença à ralentir. Une très désagréable coïncidence, voilà tout. Et qu'y avait-il d'étonnant à ce que j'ai mal déchiffré l'inscription en caractères plus petits ? Même sans être fatigué et stressé, j'aurais pu me tromper. Tout le monde sait que le clair de lune a de ses effets. Affaire classée. Sauf que je savais très bien ce que j'avais lu. Vivons joyeux, ce qui est pris est pris. Maman était morte. Et merde, répétais-je. Puis je me retournais. Ce faisant, je remarquais que la brume qui déployait ses voluptes sur l'herbe et autour de mes chevilles était devenue plus brillante. J'entendis le grondement lointain et de plus en plus net d'un moteur. Un véhicule arrivait. Je retournais précipitamment jusqu'à l'ouverture dans le mur, récupérant mon sac au passage. Les phares étaient à mi-pente dans la montée. Je levai le pouce à l'instant précis où leur faisceau m'atteignit et m'aveugla momentanément. Avant même qu'il commence à ralentir, je savais que le type allait s'arrêter. C'est curieux comme on a parfois de ces intuitions. Mais quiconque a beaucoup circulé en autostop pourrait vous dire que c'est assez fréquent. La voiture passa devant moi, les feux stop allumés, et alla se garer sur le bas-côté, à hauteur de la fin du mur qui entourait le cimetière. Je courus, le sac à dos que je n'avais pas enfilé cognant contre ma cuisse. C'était une Mustang, une authentique Mustang, de la fin des années 60 ou du début des années 70. Le moteur ronronnait bruyamment, un son grave et menaçant, issu d'un échappement qui risquait de ne pas survivre au prochain contrôle technique du véhicule, ce qui n'était pas mon problème. J'ouvris la portière et me collai à l'intérieur. Tandis que je posais le sac entre mes pieds, je sentis une odeur particulière, une odeur que je connaissais plus ou moins et qui était un poil désagréable. « Merci, dis-je. Merci beaucoup. » Le type au volant portait des jeans délavés et un t-shirt noir aux manches coupées au ras de l'épaule. Il était bronzé, fortement musclé, et un tatouage bleu en forme de barbelé entourait son biceps droit. Il portait, tourné à l'envers, une casquette publicitaire verte John Deere. Il avait aussi un pin's agrafé près du col, mais d'où j'étais, je ne pouvais pas lire l'inscription. « Pas de problème, » répondit-il. « Tu vas en ville ?»« Oui. » Dans cette partie du monde, aller en ville signifiait forcément aller à Livingston, car elle est la seule agglomération à mériter ce nom au nord de Portland. Tandis que je refermais la portière, je me remarquais un de ces désodorisants en forme de sapin qui pendait du rétroviseur. C'était l'odeur que j'avais sentie. On peut dire d'ailleurs que, question odeur, ce n'était pas ma nuit. Tout d'abord la pisse et à présent le pain artificiel. N'empêche, c'était une voiture, et j'aurais dû me sentir rassuré. Et tandis que le type revenait sur Ridge Road et accélérait, dans le rugissement de sa Mustang d'époque, j'essayais de me convaincre que j'étais soulagé. « Et qu'est-ce que tu vas faire en ville ?» demanda le chauffeur. Je lui donnais à peu près mon âge et imaginais qu'il venait d'un petit patelin quelconque et fréquentait une école technique comme celle d'Auburn, ou bien qu'il travaillait dans l'une des rares usines textiles encore en activité dans le secteur. Il avait probablement remis la Mustang à neuf pendant ses loisirs, car tel était le passe-temps favori des jeunes. Dans les patelins du coin, boire de la bière, fumer un joint ou deux, et réparer leur bagnole ou leur bécane. Mon frère se marie et c'est moi qui suis son garçon d'honneur. C'est sans la moindre préméditation que j'avais répondu par ce mensonge. Pour une raison qui m'échappait, je n'avais aucune envie de lui parler de ce qui était arrivé à ma mère. Il y avait quelque chose qui clochait dans le tableau. J'ignorais quoi, et même pour quelle raison je ressentais une telle impression. Mais cette idée s'imposait à moi, j'en étais sûr et certain. Quelque chose clochait. On met la cérémonie au point demain, et le soir, on enterrera sa vie de garçon. « Ah ouais? C'est vrai ?» Il se tourna pour me regarder. Il avait les yeux très écartés, un beau visage, des lèvres pleines, qui esquissaient un sourire, mais une expression incrédule. « Ouais, j'avais peur. De nouveau, j'avais peur, tout simplement. Décidément, quelque chose clochait, et avait même commencé à clocher lorsque le vieux schnock de la Dolge m'avait invité à émettre un vœu à la lune malsaine au lieu d'une étoile. Ou peut-être au moment où j'avais décroché le téléphone et entendu Mlle McCurdy m'annoncer qu'elle avait de mauvaises nouvelles pour moi, mais que ce n'était pas aussi grave qu'on pouvait croire. « Eh bien, c'est super !» dit le jeune homme à la casquette à l'envers. « Un frère qui se marie, vieux, c'est super! Comment tu t'appelles ?» Je n'avais pas seulement peur, j'étais terrifié. Tout clochait, absolument tout. Et je ne comprenais ni pourquoi, ni comment cela avait pu se dégrader aussi vite. Une chose était certaine, cependant. Je ne voulais surtout pas dire mon nom au chauffeur de la Mustang, pas plus que je n'avais voulu qu'il sache pour quelle raison je me rendais à Livingston, comme si j'allais y arriver. Je fus soudain convaincu que jamais je ne reverrais Livingston. La même intuition que lorsque j'avais su que la voiture allait s'arrêter. Et il y avait l'odeur, cette odeur qui m'avait alerté. Pas celle du désodorisant, mais une autre, dissimulée en dessous. « Hector, » répondis-je, donnant le nom de mon compagnon de piaule. « Hector Passmore. » Les mots étaient sortis sans peine, calmement, de ma bouche desséchée. Ouf, quelque chose me disait qu'il ne fallait absolument pas que le chauffeur de la Mustang se doute que j'avais cette impression que tout clochait. Que c'était ma seule chance. Il se tourna légèrement vers moi et je pus lire l'inscription sur le pins. Je suis monté dans le bolide, à la foire de Laconia. Je connaissais l'endroit pour y avoir été une fois, mais cela faisait longtemps. Je vis également une grosse ligne noire qui lui entourait le cou, comme le tatouage du fil de fer barbelé lui entourait le biceps. Sauf que là, il ne s'agissait plus d'un tatouage. La ligne noire était ponctuée de douzaines de marques verticales, des points de suture, posés par celui qui avait recousu cette tête sur ses épaules. Ravi de faire ta connaissance, Hector. Moi, c'est George Staub. Ma main parut flotter vers la sienne comme dans un rêve. J'aurais bien aimé que cela soit un rêve, mais je ne pouvais me payer d'une telle illusion. Chaque détail avait cette précision aiguë qui est la marque de la réalité. L'odeur dominante était bien celle de la résine. L'odeur sous-jacente, celle d'un produit chimique, probablement du formol. J'étais le passager d'une voiture conduite par un mort. Très bien, et maintenant, la même scène dans le film. Merci, merci, c'est sympa. Et y a pas de quoi ? Tu vas jusqu'en ville ? Ouais, c'est ça. Cool, moi aussi. On devrait peut-être se trouver une autre voiture. Qu'est-ce que tu vas faire, la ville ? Ne lui dis pas. Je sens un malaise, il y a un truc, ne lui dis pas. Mon frère va se marier. Il m'a demandé d'être son témoin. Il y a une répétition demain et... Et après, il y a une fête. Ah ouais. Ton frère va se marier. C'est chouette. C'est quoi ton nom ? Invente. Invente. Hector. Hector Passmore. Ce type est louche, il y a un truc qui cloche, le sang. Tu n'arriveras jamais jusqu'à Lewiston, maman est morte, tu n'arriveras jamais jusqu'à la maison. Et c'est quoi cette odeur, ça pue ? T'as dû en voir de toutes les couleurs, petit, à l'école. Quoi ? Avec un nom comme ça, Hector Passmore. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, moi je l'aurais changé. Je suis ravi de te connaître, Hector. Moi, c'est George. George, stop. Le formol, c'est ça que ça pue, ce fils de pute, il est mort ! Les morts voyagent vite. Les morts voyagent vite. Les morts voyagent vite. Les morts voyagent vite. Les morts voyagent vite. Je dois pas lui montrer que je sais. J'adore cette chanson, putain, j'adore ce morceau. Voilà donc un peu le point de... Enfin, le pivot central du récit. Hein. À l'arrivée même, clairement, du fantastique dans la nouvelle. En tout cas. Ouais, c'est ça. Pas dans le film, mais dans la nouvelle. Ouais, dans le film, on a déjà eu... Quoique, à la limite, dans le film, on peut se dire que les précédents trucs étaient des visions, mais... Oui. Là, ça devient plus difficile de soutenir ça. Bah, moi, je trouve qu'au final, déjà dans la nouvelle, bah, comme je l'ai dit, c'est... ça traîne peut-être un poil en longueur. Ouais. Vu que je trouve que c'est assez attendu au final quand même comme rebondissement. Tu comprends très vite que le mec est mort, quoi, que c'est oui. Lui. Enfin, tu comprends pas que c'est George Staub, mais tu comprends qu'il est mort. Oui. C'est peut-être la scène du cimetière, surtout, qui dure un peu longtemps. Ouais, parce que à partir du moment où il monte dans la voiture, ça va, moi, je trouve. Oui, c'est, ça va, l'idée de il y a quelque chose qui va pas, mais qu'il découvre que progressivement ce que c'est. Pourquoi c'est ça, pas, ça. Avec, ça, c'est pas mal. Avec l'odeur intrigante, et au fur et à mesure, il comprend ce que c'est, et le tatouage, enfin, en fait, c'est pas un tatouage autour du biceps, c'est déjà des points de suture, mais il oui. pense que c'est un tatouage. Tout ça, toute cette montée en tension, du coup, qui arrive au fur et à mesure, je trouve ça très intéressant. Par contre, oui, la phase du cimetière est peut-être un peu longuette, effectivement. Le fait qu'il sache pas au début ce qui va pas, je trouve que dans la nouvelle ça marche, et justement ça marche moins bien dans l'adaptation, parce qu'il y a son double de conscience qui intervient à ce moment-là et qui lui dit de surtout pas donner son nom, que le type oui. est bizarre, et ça rend ça, je trouve, trop... trop évident. Trop évident, tandis que dans la nouvelle il ment, mais lui-même ne sait pas pourquoi il ment, oui. limite, en il fait, se pose la question après avoir menti. En fait, c'est dans la nouvelle tu comprends que c'est juste un instinct de survie qui le pousse à mentir, ouais. que lui-même s'en est pas rendu compte comme un instinct de survie, hein, tout simplement. C'est comme quand, je pense que c'est arrivé à tout le monde, ou ça arrivera à tout le monde une fois dans sa vie, c'est un jour tu marches dans la rue, et tu dois prendre un chemin, et tu sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui te pousse à ne pas prendre le chemin que tu dois prendre, et tu prends un autre chemin. Moi, ça m'est déjà arrivé, je crois que ça t'est déjà arrivé à toi-même. Bah alors oui, mais c'est parce que je me perds dès que je dois aller quelque part. Donc, moi, de toute façon, je prends jamais le bon chemin. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé vraiment. D'habitude, je prends ce chemin-là. Et un jour, quelque chose m'a poussé à ne pas prendre ce chemin. Et du coup, j'en ai pris un autre. Et je sais pas ce qui serait passé si j'aurais pas suivi là, cet instinct, mais je l'ai suivi. Ce mensonge-là, c'est comme ça que je l'interprète. C'est juste un dessin. C'est juste ton instinct. Ton oui. instinct de survie qui te pousse à faire des choses. Mais du coup, ça marche pas très bien dans l'adaptation. Pour voilà, je trouve que c'est même totalement raté. Hein. Ouais. Par contre, ce qui est réussi dans l'adaptation, c'est plus tard. C'est quand tu te rends compte que Georges Taube voit lui-même son double. Oui. Parce qu'il lui fait fermer sa gueule et lui dit « Mais toi, c'est bon, arrache-toi oui, maintenant, tu m'emmerdes. » Ouais, c'est ça. Et ça, par contre, je trouve, on en l'a pas dit, mais c'est très réussi dans le film, oui. parce que tu t'y attends pas. Alors que c'est logique au final, mais oui, tu t'y attends clairement pas. Après, voilà, bah, David Arquette, il joue ce qu'il a à jouer, mais c'est pas... Ça passe mieux à l'écrit, je trouve, qu'une fois joué. Il aurait peut-être fallu changer un peu le personnage de George Staub pour le rendre plus inquiétant, pour le rendre différent. Mmh, c'est ça, ils auraient dû faire d'autres choix, en fait. Ouais. Mais après, c'est pas une scène complètement ratée non plus. Ça fait même partie des scènes à peu près réussies, je trouve, de l'adaptation. De l'adaptation, oui, clairement, oui. On est d'accord. Donc, voilà, c'est... On va passer au classement, je pense, oui, et oui. On verra si ça vous donne envie de lire et de voir ça. Du coup, comme d'habitude, je m'occupe du classement des écrits. Mon camarade Issam s'occupera du classement des adaptations. Pour les écrits, nous avons dans les 5 premières places Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et 22-11-63 qui est rentré dans le top 5 il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a quoi maintenant? Un petit mois, peut-être? Oh, plus maintenant. Ça fait... On a eu tout le tunnel Garris des Monts du Maïs depuis. Ah bah oui, c'est vrai. Et aux 5 dernières places, nous avons Le Radeau, L'Année du Loup-Garou, Dr Sleep, Le Cinquième Quart et Grand Chauffeur, qui lui, par contre, est un flop 5 qui commence à dater. Parce que Le Radeau, bon, c'est pas si vieux que ça, mais oui, ça commence à dater un peu. Le Radeau, c'est époque Crip Show 2, donc oui, c'est le dernier à y être rentré, je crois. C'était cet été, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ou placer un tour sur le bolide, comparatif avec autre nouvelle... du même recueil quand l'autovirus met cap au nord. Oh, c'est mieux. Ouais, je pense que l'autovirus met cap au nord, c'est mieux. Il y a un petit côté fantastique et flip qui est mieux, plus maîtrisé dedans. Ah, moi j'aurais dit l'inverse, justement. Je trouvais un tour sur le bolide mieux que quand l'autovirus met cap au nord. Moi j'avais bien aimé, mais je trouve que l'autovirus est un peu bas, finalement. Alors, autre nouvelle, 1408, c'est mieux. Oui, bon, là, oui, 1408 est mieux, largement. Désintoxique, c'est mieux. Désintoxique, ouais, parce que Désintoxique, elle est vraiment drôle, elle est vraiment maîtrisée niveau rythme. En termes de nouvelles, la dernière affaire de Mnet, ça serait un peu sur le même, tu vois, sur le même piédestal. Ouais, c'est pas le même genre, les deux, mais je pense qu'on est un peu dans cette zone-là. Ouais. Omné, je la trouve mieux rythmée, moi, personnellement. Après, si le message te plaît... La précieuse est en dessous d'Omné, mais comment ça se fait? Elle était bien, Omné. Hein. Elle était aussi bien que ça? Ouais, oui, c'était dans l'adaptation qui était un peu moins réussie dans sa deuxième moitié. Mais le côté roman noir qui part un peu bizarrement était vraiment réussi dans Omné. D'accord. Mais attends, mais Dreamcatcher est très haut, en fait. Bah, Dreamcatcher, on avait dit qu'on avait été diverti bizarrement par certains trucs. ça parle du caca, quoi. Oui, bah, c'est bien, non? Oui, oui. Alors, bon, moi, je préfère quand même... je préfère la précieuse à ce qu'on vient de lire. Ouais. Je préfère même les hautes herbes, ce qu'on vient de lire. Oui, elle a une ambiance bizarre qui est bien, les hautes herbes. Par contre, je la mettrais peut-être au-dessus de Vue imprenable sur Jardin secret. C'est Fenêtre sur cour. Oui, Vue imprenable sur Jardin secret, on est d'accord. Ouais. C'est la nouvelle où le film est clairement mieux, quoi. Bah oui. En fait, c'est pareil pour Le rapace nocturne, effectivement, le film est mieux. Ouais, ouais, ça fait partie des deux gros cas, enfin des quelques gros cas avec 1408 et Desintox Inc., où le film est clairement mieux que la nouvelle. Ouais, et Carrie aussi. Et encore pour 1408, le film est mieux, mais la nouvelle est loin d'être dégueulasse. Oh, bah Desintox Inc. aussi, hein, la nouvelle oui. Est loin d'être dégueulasse. Ouais, pour moi, entre Les hautes herbes et Vue imprenable sur Jardin secret, effectivement. Je la mettrais là. Ouais, ça me paraît une bonne place, là. Donc, cette nouvelle prend la nouvelle 32e place, pardon, entre Dans les hautes herbes, la nouvelle que King a coécrite avec son fils oui. Joe Hill, qui n'est toujours pas publiée en recueil de King. Elle est dans un recueil de Joe Hill, mais toujours pas en recueil de King, même pas dans celui qui va sortir l'année prochaine. Ou alors ça peut être annoncé. Hein. On a déjà vu des nouvelles qui sont dans des recueils uniquement chez nous. Regarde dans... Ouais. Merde. Nuit noire, étoile morte. Ouais, mais c'en est une qui en fait a été reprise après dans le recueil suivant de King VO. Ah, VO, d'accord. Donc elle est dans le bazar des mauvais rêves. Et du coup, elle est pas dans le bazar des mauvais rêves chez nous? Je sais pas, parce que je l'ai pas en VF, le bazar des d'accord. mauvais rêves. Et Vue imprenable sur Jardin secret, c'est un des quatre romans courts du très bon Minuit 2, Minuit 4, qui est très solide comme recueil. Oui, c'est celui avec les Langoliers. Ouais, et en nom d'adapté, le policier des bibliothèques et le chien... Ouais, mais qui sont tous les deux dans le chien 4. Minuit. Enfin, chez nous. Oui, et que, encore une fois, vu que c'est un seul tome en VO, j'ai tendance à... Chez nous, c'est en deux tomes. C'est ouais. Minuit 2, Les Langoliers et Jardin Secret. Vu un problème sur Jardin Secret et Minuit 4, voilà, les deux autres. Ouais, ils n'ont pas été adaptés. Pas pour le moment, même s'il y a toujours des rumeurs concernant le chien qui venait du soleil. Donc, voilà, une plutôt bonne place. Oui, malgré mes réserves, vous pouvez la lire quand même. De toute façon, c'est un bon recueil, hein, donc n'hésitez pas à le prendre. Voilà. Mais de toute façon, le classement lecture de King, ça devient mauvais, vraiment très bas. Hein. Ouais, oui, c'est ça. Parce que, ouais, je trouve que là où je les conseillerais plus, c'est à partir de 1922, moi, où ouais, j'ai voilà. plus de mal. C'est ça, hein. Au niveau des films, nous avons 72 films classés avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, comme on l'a dit, ces deux-là sont bien meilleurs en film qu'en nouvelle, ouais. Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières places Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, une entrée récente, The Mangler Reborn de Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher. Cette vieille grosse merde puante. Et donc, où est-ce qu'on va mettre un tour sur le bolide? Et donc, je vais peut-être commencer par procéder en me fiant aux autres Mingaris qu'on a fait. Donc, ouais. Que ce soit mieux que Le Fléau, c'est évident. Mieux que Sagdos, ça me semble aussi clair. Donc déjà, on est au-dessus de la 54e. Le Mick Garris suivant, c'est quoi? Bah, c'est pas La Nuit Déchirée, justement. Si, c'est La Nuit déchirée, mais il y a un gros écart. La Nuit déchirée était à la 36e place. Il est dans l'espace. Il est juste à côté de Désolation, déjà. Et il est pas loin du cobaye. Il est juste avant le cobaye. Moi, je le trouve plus réussi que La Nuit déchirée, quand même. Mais pas tellement au-dessus non plus. Hein. Ouais. Est-ce que j'ai préféré Désolation ou... Je saurais pas dire si j'ai préféré Désolation ou Un tour sur le bolide. Moi, ce qui m'embête, c'est que La Nuit déchirée est peut-être beaucoup plus con, mais je me suis moins ennuyé devant. Oui, c'est vrai que c'est pas faux, ça aussi. C'est limite, moi, je me suis moins ennuyé aussi devant le cobaye. C'est, je pense on serait pas loin, mais je le mettrais peut-être en dessous du cobaye, tu vois, moi. Ouais, pas en dessous. Le démon du maïs 7, ouais, non, c'est quand même vraiment... Enfin, c'était sympatoche. Mais voilà, ni les enfants de Salem, qui est très ennuyeux quand même. Et ouais, les vampires de Salem. Les enfants de Salem, c'est plus que très ennuyeux. Non. Les enfants, il est encore plus bas, oui. Ouais. Mais oui, c'est. Après, si tu... je vais pas me battre. Hein, si tu veux le mettre un peu plus haut. Oh non, vas-y, entre le cobaye et les démons du maïs 7, ça me va. Ce qui fait qu'on a quand même un bloc où il y a beaucoup de Midgaris. Et les Midgaris qu'on a fait dernièrement, en fait. On a eu grosso modo le même avis sur tous. C'est-à-dire les trois derniers Midgaris sont... Il y a juste le cobaye qui se met entre, mais sinon ils sont limite d'affilée, quoi. C'est un peu rigolo. C'est super. Ouais. Ouais, décidément, lui, son bilan sera pas ouf hein, au pauvre Midgaris. Ouais, bah, il nous reste Shining qui, à mon avis, sera encore plus bas, celui-là. Bah, il y a des risques. C'est juste qu'il n'y a pas longtemps, dans les deux running gags, il y avait Midgaris et les démons du maïs. Et Midgaris avait une meilleure place que le meilleur démon du maïs, mais il a été dépassé la dernière fois par le Kurt Weaver. Voilà, pauvre Midgaris. Ouais. Officiellement, donc, la saga Children of the Corn a fait des meilleurs trucs pour les adaptations de King que Midgaris. Vous en faites ce que vous voulez. Et nous allons passer, nous, au tirage au sort pour les deux prochains épisodes. Yes! Et c'est à toi de commencer cette fois-ci, parce que c'était... C'était toi qui avais tiré en premier. Les démons du maïs, justement. De Kurt Weimer. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. J'ai un papier. Je te tends. Merci. Le chapeau. Et j'ai tiré... Ah, tu vas être content, parce que il me semble que c'est un roman que tu apprécies beaucoup. Histoire de lycée. Ah oui, non seulement j'adore le roman, mais en plus je suis vraiment très curieux de voir l'adaptation, qui a un sacré casting. Donc qui est une série. Oui, en 10 épisodes, c'est scénarisé par King. Et c'est une série Apple, il me semble, je ne sais plus. Je crois que c'est Apple, ouais. Mais voilà, Histoire de lycée qui n'est pas un roman interminable. Ah, je crois que c'est quand même un beau pavé. Alors ça, c'est pas dans son top, mais ça commence à être un long roman, Histoire de lycée. Oh, je l'ai. Pour moi, oui, ça fait partie des excellents romans. Et l'adaptation, oui, je revérifiais pour être sûr, mais on a quand même Julianne Moore dans le rôle principal et Clive Owen dans un assez grand gros rôle. Donc on est sur un sacré casting quand même sur celle-là. Ok. Donc ça, je suis content. Permettra de bien commencer l'année 2024. Oui. Bah, ouais. Non, même pas. Là, on enregistre en avance, mais ça y est, c'est celui-là, le premier épisode de 2024. Ah oui, niveau date, oui, t'as raison. Ouais, effectivement. Et moi, j'ai pioché, alors, une nouvelle dont je ne me rappelle absolument pas. C'est un épisode de Rêve et Cauchemar, qui s'appelle Crutch End. L'adaptation est réalisée par Mark Haber. Ok. Je n'ai aucun souvenir de cette nouvelle-là. Je ne sais même plus de quoi ça parle, pour être honnête. Donc, nous enquêterons en off. Donc on va regarder ça. Très bien, donc on se retrouve dans deux semaines pour un roman dont on n'a pas encore parlé, Histoire de lycée, qui risque d'être un bon épisode à mon avis au niveau longueur. Et dans un mois pour Crutch End, un épisode de Rêve et Cauchemar, ça faisait un moment. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @chrislovestales pour moi, que ça soit sur Twitter ou sur Blue Sky. N'hésitez pas à venir, nous sommes aussi sur Discord, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous donner vos avis, que ce soit sur l'épisode en lui-même ou sur la nouvelle, sur l'adaptation si vous l'avez vu. Et nous vous rappelons que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.